qui se mêle à la controverse. Que dois-je penser du reste? Je ne sais même plus où j'en suis. On subit le chemin de notre vie. Un déclic sur un kick ou un racket sur un clit, un French kiss sur les lips, sur une lick, sur un dick. Amour pis le cul se mixe, mais c'est pas la même shit. Cupidon a plus que tricks, pis ça, ça met des risques. Y'a plus rien de vrai, mais dans l'amour, c'est rendu fakes. Pour le look ou pour le cash, pour le sexe ou signe d'échec. En autant qu'on baisse, c'est correct, ben on reste. Sinon on décrisse sa recherche d'une autre part de fesses. On fait des yeux doux pour le cul ou pour le cœur. Je le sais plus, je confus. Je fais une croix, mon homme sœur. Love story, c'est fini, c'est rendu du folk story. C'est une vraie comédie, je dramatise, mais c'est la vie. Les chicks pensent pis sus, mais on est nul, les suspenses. Fuck it pour une histoire d'horreur, sous la poussière je danse. J'ai une vie de chienne parce que j'ai mal mon célibat. J'ai une vie de chienne parce que je suis du sonnet droit. D'ici une couple d'années, je te dis qu'il y aura plus de WhatsApp. On va dire, je t'apprête, yeah, j'apporte les capotes. Fait que la petite connasse fuck, je check son bus, je check son bot. C'est notre nouvelle époque, ça va être sucking cock. Ça va être fucking fuck, pis ça a l'air que tout le monde s'en moque. Y'a plus rien qui choque, c'est la mode d'être fucked up. Fait que je vais caler mes vocs, qu'espérant que mon cœur flotte. Pour l'amour, je pense la pas, qu'elle est Willy qui va le bloc. Tout se mêle à la controverse. Que dois-je penser du reste? C'est même plus où j'en suis. On subit chemin de notre vie. Tout se mêle à la controverse. Que dois-je penser du reste? Je ne sais même plus où j'en suis. On subit chemin de notre vie. Il rend fucking aveugle comme il rend fucking débile. Je déboule quand j'ai une file, c'est du mot qui est difficile. Je vais aller haut tenu, voir des corps se dénuder. Sûrement aussi pour voir mon portefeuille se transvider. J'ai la rage au cœur, mais pour autant que j'ai fait au cul. J'ai pas de problème à part, fait que je vais rester dans mon jus. J'ai peine de vin à offrir en échange de petits sourires. Je demande pas la lune, je veux un cœur à conquérir. Le net c'est de la pouette, mais je correct pour une bouche. Je trace plus les lignes de cul, y'a trop de gens qui sont louches. J'ai trop d'agace, trop de mag, trop de fake, trop de cash. Je suis où je prends ma place, pis j'ai pas été à chasse. Moi je reste vrai, je reste au naturel. Je vais sûrement tomber sur quelqu'un bien souvent avant Noël. Le cul passe en votre cœur, pis sérieux ça me fait chier. Je suis quétaine, je suis vieux jeu, mais j'espère encore le trouver. Je veux juste pouvoir parler sans qu'apporte l'esprit croche. C'est vrai que des crosseurs, pis c'est vrai que c'est vraiment poche. Mais on est pas tout pareil, y'en a une couple encore correct. Je sais que j'ai pas de gorgette, pis que mes poches sont à sec. Il reste du monde qui sont plus superficiels. Moi j'tenais de jouer une game, j'tenais de pouvoir le ciel. J'ai mal à l'amour, mais pas autant que j'ai mal aussi les bras. Je clique le cul des codes, pis pour les vrais, j'ouvre mes bras. Tout se mêle à la controverse. Que dois-je penser du reste? Je ne sais même plus où j'en suis. On subit chemin de notre vie. Tout se mêle à la controverse. Que dois-je penser du reste? Je ne sais même plus où j'en suis. On subit chemin de notre vie.